Vitaliho. Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal dont voici d'abord les principales articulations. 70 Burundais sont rentrés ce lundi du camp des réfugiés de Lucène dans l'RD Congo. Ils venaient d'y passer plus de 2 ans. Près de 80 employés de la banque Ecobank ont été licenciés. Ils décrivent ce qu'ils qualifient de manque de transparence dans le processus de leur indemnisation. Vous l'entendrez. L'entreprise Savonor rejette toute responsabilité dans la pollution des eaux du lac Tanganyika. Le directeur de l'assurance et qualité à cette société indique que la position géographique de celle-ci serait à l'origine de ces accusations. Sinon, dit-il, les eaux usées de l'entreprise sont traitées au préalable avant d'être conduites jusque dans le lac. Et puis, le pasteur de l'église pentecôtiste de Dokilemba en province de Bururi est détenu au cachot depuis hier dimanche. Il est accusé d'enseigner la politique aux fidèles de l'église. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à cette édition. Les élus de la mairie de Bujumbura demandent que les aires de la station d'épuration de Buterere soient protégées. Dans une réunion avec le bureau du Sénat burundais ce lundi, Révérien Ndikuriyo, président du Sénat, explique que les enquêtes doivent être menées pour identifier des maisons érigées dans cette partie illégalement. Le point avec Placide Niyomungere. Selon le président de la Chambre haute du Parlement burundais, cette réunion est une évaluation après les doléances collectées par les sénateurs dans la capitale Bujumbura. Révérien Ndikuriyo saline néanmoins le pas déjà franchi en matière de la sécurité et ajoute que parmi les défis rencontrés figurent entre autres les limites de la capitale Bujumbura qui restent jusqu'ici inconnues, les constructions dans les espaces verts, la loi régissant la mairie de Bujumbura, la salubrité, la décentralisation et la fiscalité. Pour le maire de la ville de Bujumbura, certains défis sont dus à une mauvaise législation. Freddy Mbonima donne l'exemple de la loi fixant les limites de la capitale, de l'autonomie des communes à mairie de Bujumbura et celle liée à la construction dans les espaces verts. Le maire demande au bureau du Sénat de contribuer pour que la législation soit réévaluée pour la capitale Bujumbura afin de trouver réponse à ces défis. Les élus du peuple réunis, malgré tout, restent préoccupés par une mauvaise gestion des eaux usées et demande que la station d'épurage de Buterere soit protégée. Du côté du maire de la ville de Bujumbura, des gens se sont attribués illégalement des parcelles dans les alentours de cette station. Révérien Ndikuriyo, président du Sénat, demande à une commission de cet organe chargée d'étudier des questions dites de provenance d'en haut de mener des enquêtes afin d'identifier des maisons y érigées illégalement dans le but de les démolir et protéger cette station de Buterere. Merci Placide. Près de 80 employés de la banque Ecobank qui viennent d'être licenciés décrivent ce qu'ils qualifient de manque de transparence dans le processus de leur indemnisation. Les désormais ex-employés de la banque disent que le motif économique contenu dans la lettre de licenciement est différent de celui de la technologie nouvelle convenue auparavant. Ils ont observé ce lundi un sit-in devant le siège de la banque pour protester contre le processus de leur indemnisation. Suivez à ce sujet Epima Kenetouli. Il est le représentant de ces travailleurs. Ça fait quelques temps que nous avons reçu des lettres de licenciement. Il y a à peu près une semaine, c'était le 8. Des lettres de licenciement pour raisons économiques. Depuis ce temps, on aurait dû nous donner les décomptes personnels individuels de chacun. Mais jusqu'à maintenant, on n'a pas encore reçu ces décomptes. C'est-à-dire donc les conditions financières, pécuniaires, les indemnités de licenciement, les indemnités de préavis qu'on doit donner à chacun pour la séparation. Nos inquiétudes, c'est que déjà on a passé une semaine ici en attente de ces indemnités. L'inquiétude, c'est qu'on continue à bloquer le processus, à ne pas donner ces indemnités. Mais on espère qu'ils seront raisonnables, qu'on va avoir ces indemnités. Les motifs avancés par Ecobank pour ce licenciement, au départ, on nous avait annoncé que le groupe Ecobank, à travers ses 33 filiales, allait changer les modalités de travail en adoptant la digitalisation, c'est-à-dire en opérant des mutations technologiques et intégrer de nouvelles technologies dans les fonctionnalités de la banque. On nous a annoncé que c'est une décision du groupe, une orientation stratégique du groupe, mais par après, dans les lettres de licenciement, on nous a notifié en avançant l'argument que c'est pour des raisons économiques qu'on licencie les employés. Jusqu'à maintenant, il y a contradiction entre ce qui a été annoncé ce qui a été indiqué dans l'objet des lettres de licenciement et les raisons réelles qui sont à la base de ce licenciement. Déjà, on ne s'est pas convenu sur le motif de licenciement, mais aussi dans les conditions dans lesquelles on est renvoyé. Donc, la fin, c'est qu'on va saisir les juridictions. La direction de la banque Ecobank ne s'est pas encore exprimée à ce sujet. L'entreprise Savonor rejette toutes responsabilités dans la pollution des eaux du lac Tanganyika. Jibril Ninghingie, directeur de l'assurance et qualité dans cette société, dit que la position géographique de Savonor serait à l'origine de ces accusations. Sinon, dit-il, les eaux usées par l'entreprise sont traitées au préalable avant de se déverser dans la rivière Kinyangongé pour rejoindre enfin le lac Tanganyika. Suivez Jibril Ninghingie. Aujourd'hui, nous voudrions apporter notre démenti formel. Comme toute entreprise industrielle, Savonor est susceptible aussi de générer des déchets, tant solides que liquides. Au Savonor, la gestion des déchets solides est assurée via la sous-traitance avec des sociétés spécialisées en la matière et ou des fois par nous-mêmes et par nos propres moyens de transport qui consistent à la collecte et le transport de ces déchets dans les décharges publiques aménagées pour cette fin. Quant à la gestion des eaux usées, comme d'ailleurs le préconise la Code de l'eau, mais aussi qu'il y a des textes d'application qui sont des normes de rejet des eaux usées dans l'environnement. Savonor dispose d'un système interne de pré-traitement des eaux usées avant les rejets dans l'environnement. Cela est vérifiable par quiconque voudrait s'assurer de l'engagement de notre entreprise. Jamais nous n'avons eu de rappel à l'ordre. Notre entreprise a toujours été victime de sa position géographique par rapport aux multiples sources de polluants du lac. Et ces polluants, souvent, ils prennent souvent des parts à son amont. Vous voyez, juste en provenance de Buterere, il y a une station d'épuration qui fonctionne, j'espère qu'il fonctionne normalement, mais juste après la station, il y a des garages, il y a des gens qui vidangent les toilettes, souvent ils bypassent la station, ils rejettent tout dans la rivière Kinyangongé, et tout ça, ça se déverse directement dans la rivière Kinyangongé qui, malheureusement, longe toute la façade dorsale de Savonor. Donc, les gens qui passent à travers la route qui va vers Gatumba, s'ils voient ou s'ils sentent ces odeurs, ils disent directement que c'est Savonor et tout ça provient de Savonor alors que c'est pas vrai. Et la plupart du temps, nous sommes aussi témoins et victimes de ces pollutions car ces eaux dégagent des odeurs nauséabondes susceptibles d'affecter la santé de nos employés. Le directeur de l'assurance et qualité à l'entreprise Savonor demande au service habilité d'installer des collecteurs publics des eaux usées afin que l'on puisse s'y raccorder. Encore une fois, Jibril Ninghingie. Normalement, comme le stipule la loi, le code de l'eau avec tous ces textes d'accompagnement, aucune personne, tant morale que physique, ne devrait jeter dans l'environnement des eaux susceptibles de nuire cet environnement. Et c'est pour cela qu'ils ont élaboré ces normes. Et ces normes sont à deux niveaux. Il y a des normes de rejet directement dans l'environnement et des normes de rejet dans une station d'épuration. À notre niveau, puisque nous ne sommes pas raccordés à la station, nous faisons tout notre possible pour traiter et atteindre et rester dans la norme de rejet dans l'environnement parce que nous rejetons directement dans la rivière Kinyangongé. Cela étant, ça nous coûte énormément cher. Quitte à ce que des fois, nous avons et nous continuons à adresser des correspondances au pouvoir public pour qu'ils nous puissent installer des collecteurs et en fait aussi que nous puissions nous raccorder. Et comme ça, nous aurions élégé mieux par rapport aux efforts de traitement que nous faisons. Jibril Ninghingie s'exprime après que son entreprise, Savonor, ait été accusée d'être parmi les sociétés qui polluent les eaux du lac Tanganyika. Vous n'avez pas Isangani l'eau ? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, 70 Burundais répartis en 24 familles ont été rapatriés ce lundi en provenance du camp des réfugiés de Lusena en République démocratique du Congo. Ils venaient de passer plus de deux ans à partir de 2015. Ces Burundais disent, tout comme l'assistant du ministère de l'Intérieur et du ministre de l'Intérieur qui les a accueillis au nom du gouvernement, qu'ils rentrent de leur propre volonté. Joseph Nsabiyabandi. Monsieur l'assistant au ministre de l'Intérieur, au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je vous remets le formulaire de rapatriement volontaire de ces différentes familles qui ont exprimé librement la volonté d'être rapatriées. C'est le chargé des opérations de la Commission nationale congolaise pour les réfugiés, François Malonda, qui a remis les 70 rapatriés dans les mains des autorités burundaises. Un des rapatriés dit qu'il rentre au pays suite à l'appel du président de la République. Nous répondons à un appel du président de la République qui nous a dit que la paix règne dans le pays et qu'il faut que les réfugiés rentrent. Moi, j'ai cru le président de la République, mais beaucoup de gens t'empêchent de rentrer. La nuit dernière, les choses étaient compliquées parce qu'il y avait des personnes qui ne voulaient pas que nous venions. Il y a peu, le ministère de l'Intérieur avait annoncé que près de 200 réfugiés avaient manifesté l'intention de rentrer. Mais finalement, ce sont les 70 personnes qui rentrent pour ce premier rapatriement officiel. Selon l'assistant du ministère de l'Intérieur, c'est surtout les fausses informations qui sont à l'origine de ce désistement. C'est au niveau des préparatifs, au niveau surtout du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Donc, c'est-à-dire que les modalités pratiques ne sont pas encore très bien définies. C'est lors de la réunion tripartite à Dar es Salaam le 31 août 2017 que tout sera bien défini pour créer les bonnes conditions d'accueil de nos chers rapatriés burundais qui sont à l'étranger. Et effectivement, ils viennent à compte-gouttes dès le premier jour parce qu'ils ont peur de fausses informations qui circulent sur l'Internet parce qu'ils décrivent négativement au Burundi, ce qui n'est pas vrai, mais nous espérons qu'ils vont venir bientôt. Comme vous l'avez entendu à la frontière, ceux qui sont venus ont témoigné, ils ont dit que tout le monde voudrait rentrer, mais qu'ils avaient peur et qu'ils voudraient d'abord voir comment les premiers qui viennent vont être accueillis au pays et que par après aussi ils vont suivre. Quant au paquet retour, le représentant adjoint du HCR, Soufiane Ajali, dit qu'il est constitué par des vivres et des non-vivres ainsi que 60 dollars par individu. Il y aura des articles de non-vivres, il y aura des vivres. Et il y aura une petite assistance financière qui leur permettra de s'intégrer dans la société. Pour le moment, comme vous avez pu le constater, c'est le début de la dignité et le plaisir de retrouver son pays. Dernièrement, il a été dit que le HCR n'a pas les moyens d'accueillir ou bien de rapatrier les réfugiés. C'est le cas ou bien les moyens sont là? Toute personne souhaitant rentrer dans son pays d'origine, comme le Burundi, tout Burundais réfugié souhaitant rentrer et exprimant cette volonté sera assisté par le HCR. Pour la suite du rapatriement, l'assistant du ministre de l'Intérieur dit qu'il est volontaire et qu'il sera organisé en fonction des demandes exprimées. Merci Joseph. Le pasteur représentant de l'église pentecôtiste de Kirimba, nous sommes dans la province de Bururi au sud du pays, est au cachot du parquet de Bururi depuis le soir de ce dimanche. Manassé Kazungu est accusé d'enseigner la politique aux fidèles de l'église où il venait de passer quelques jours. Il a été arrêté à Vianda. Les précisions de Jean-Pierre Misago. Les informations obtenues auprès de certains habitants de Vianda, confirmées par l'administrateur communal de cette commune, indique que Manassé Kazungu, pasteur de l'église de Pentecôte de Nyabikonge et représentant de la mission pentecôtiste de Kiremba dans la commune Mugamba, a été arrêté à l'église de Pentecôte de Gikama en commune Vianda en début d'après-midi de ce dimanche. C'est là en effet où il avait été mandaté pour l'organisation de la Sainte Cène, selon les mêmes sources qui indiquent que ce responsable religieux a ordonné les monnaies de cette église de sortir de la prière vendredi avant de demander le lendemain aux chrétiens de la place de bouder les élections de 2020. Selon certains de ses collègues pasteurs, ces accusations sont mensongères et demandent que le leur soit libéré afin de poursuivre sa vocation. Le parquet de Bururi reconnaît retenir cet homme d'église pour interrogatoire. Cependant, pasteur Manassé Kazungu a refusé de dire quoi que ce soit au parquet de Bururi ce lundi matin sur ces accusations qu'il qualifie de grossières et sans fondement, exigeant qu'il soit préalablement assisté d'un avocat. Jean-Pierre Misago de Bururi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre. Une personne a été tuée dans la nuit de dimanche à lundi en commune Musigati de la province Bubanza. Des malfaiteurs non encore connus ont lancé deux grenades à travers la fenêtre de la chambre dans la maison où se couchait la victime. Neuf personnes ont été arrêtées ce lundi matin selon des sources policières. Des conflits fonciers seraient à l'origine du crime selon des témoins sur place. Le point avec Spescaritas Kabanyan. La victime répond au nom de Kayobera Fadien de la colline Rugeyo, zone Namba, dans la commune de Musigati, juste à la frontière de la Kibira. Les témoins sur place racontent que des malfaiteurs qui n'ont pas été identifiés ont lancé des grenades dans la chambre où il dormait seul après avoir défoncé une fenêtre et il a succombé sur place. C'était aux environs de 22h au cours de cette nuit de dimanche à lundi. La même source précise que Kayobera Fabien doutait de sa sécurité ces derniers jours. Il changeait souvent la chambre où il dormait, éloigné de sa femme et des enfants afin d'éviter le pire. Ces malfaiteurs l'auraient alors guetté ce dimanche pour connaître la chambre où il dormait. Les mêmes habitants de la colline Rougueyo ajoutent que des conflits fonciers seraient à l'origine de ce crime, puisqu'il avait dernièrement gagné un procès concernant un conflit foncier, mais les perdants ont refusé de céder la propriété. Des sources policières indiquent que 9 suspects, y compris ceux qui étaient en désaccord avec Kayobera Fabien à propos d'une propriété foncière, ont été arrêtés ce lundi matin pour enquête. Spes Caritas Kabanyana à Musigati pour la radio Isanganiro. Merci à Spes Caritas Kabanyana. Un sous-officier de l'armée a été tué au cours de la nuit de dimanche à lundi, fusillé par son subalterne sur la position de Nyarutongo en commune Gitéragni de la province Muyinga. Des sources policières indiquent que le criminel a directement pris le large, mais les services de sécurité ont pu retrouver l'arme utilisée et la tenue abandonnée par le fugitif dans la nature. Le mobile de cet assassinat ne sera connu que quand le criminel sera arrêté, selon toujours les mêmes mes sources. Et puis, deux enfants ont été blessés ce lundi matin dans le site de déplacés situé au chef-lieu de la province de Karoussi. L'un des deux écoliers d'une dizaine d'années avait trouvé une grenade hier dimanche dans une brousse se trouvant tout près du site. Les victimes se sont ainsi mises ce lundi matin à manipuler la grenade qui a ainsi explosé. L'information est confirmée par le commissaire provincial de la police à Karoussi qui précise que les blessures des deux enfants sont en tout cas à légère. Il demande tout de même que toute personne qui trouve une arme a l'obligation de la remettre aux forces de sécurité. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous disons également merci à Aimé Toussaint Mitebouti pour la bonne collaboration technique. Excellente soirée à tous. Au revoir. Léonce Huitariho.